Je suis pas là pour vous autres. Je suis pas là pour vous autres. Fait que ouvrez vos lumières. Non, non. Je suis là, point final. C'est ça. Je suis là, point final. Fait que spiritualisez pas ma personnalité. Je suis là, point final. Point Dieu, là. Et s'il est ici, moi, c'est parce que lui, il veut être ici. Mais il veut pourquoi? Ça fait partie de ma créativité d'être ici. C'est normal que je sois ici. C'est vibratoire que je sois ici. Très bien. Quand ça sera plus vibratoire que je sois ici, je ne suis plus ici. Fait que je ne suis pas ici de vous autres. Si vous pouvez comprendre quelque chose, d'après ce que je vous dis, d'après mon expérience, tant mieux. Je ne suis pas ici de vous. Non. Ah non. Parce que lui, là, il nous fait un petit fiat pour nous aider. Il nous fait un petit fiat pour nous non, aider. Non, non, non. Plus tard, vous allez voir des gens qui vont être poignés, mais vous allez être en capacité, vous aurez la capacité de les aider. Puis vous, vous allez être pire que lui non, parce que vous allez le faire pour rien. C'est pas aider. Quand je suis rendu après ce qu'il fait, je chargerai. Non. Il y a quelque chose, là. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à faire des images, j'ai dit, comment ça m'a fait vivre pour ça? Parce que moi aussi, je pense à toute l'affaire, le monde, l'affaire spirituelle. Ils ont dit 50$ pour toi et 50$ pour nous autres. C'est la réponse qu'ils m'ont donnée. Final. Puis je peux pas monter ça à 105$. Quand tu dis, c'est 100$, c'est 100$. As-tu une bonne pour eux? Hein? Puis un jour, vous allez le réaliser, puis il y en a qui ont commencé à le réaliser jusqu'à quel point l'homme est vampirique. Mais, à ce moment-là, tu te dis, quand tu as quand même parlé des rêves pour une dette, c'est une dette matérielle, dans le physique, c'est une dette dans les terres. Ça voudrait dire que si tu dois quelque chose à quelqu'un, il faut absolument être vivant si tu n'as pas la solution. Tu devrais la donner aussi. Vibratoirement. La raison pour laquelle, vibratoirement, tu t'es débalancé quand tu as une dette, parce que tu ne peux pas ajuster tes corps en cause de une dette. Vibratoirement, toute action doit être rebalancée. Une action demande toujours un échange. Vibratoirement, les lois d'énergie. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu n'y donnes pas, vibratoirement, il faudra quelque part dans le temps que ce soit rebalancé. C'est des lois cosmiques. Qu'est-ce qui arriverait avec une personne qui usufferait d'autres personnes? Elle demanderait plus. C'est la même chose. Vibratoirement, tu usufferais de redonner. Ah oui, exactement. C'est la même chose. C'est une loi d'économie, c'est une loi d'énergie. Il faut que ce soit rebalancé. Il y a un petit karma. Appelez ça le karma, si vous voulez. Le karma, c'est moins doux. C'est une loi d'équilibre. Oui, mais là, c'est plus d'équilibre. Le monde est débalancé. Là. Comme je disais tout à l'heure, on ne vit plus pour nous, on vit pour les autres. Parce que t'as bien tout parasite aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Hein? Non, mais j'ai... Je comprends pas ça. Encore... Les dernières lectures qu'on a faites, vous allez peut-être me dire, c'est du passé, puis il faut laisser ça de côté. Là. Quand tu dis que le petit type a fini là, de son évolution, puis qu'il choisit de sentir, il refuse, je ne sais pas comment dire ça, il refuse on répète ça, les termes nirvaniques, là, dans les vidéos, là. Pour par compassion pour l'humanité, pour choisir le sentier, ce sentier-là, ça vient en contradiction avec ce que vous dites. Peut-être que vous n'êtes pas là pour nous autres, dans un sens. Quand je dis que je ne suis pas là pour vous autres, je ne suis pas là pour l'idée que vous avez que je suis là. Non, vous êtes là pour aider les positions. Je suis là pour des raisons qui me sont connues, qui sont internes, puis que je parle pas au monde. Ça, c'est une chose. Mais je suis pas là pour votre bien-être psychologique. Je suis là pour des raisons qui sont totalement vibratoires. Je suis là pour faire un travail qui est créatif, qui est fonctionnel, qui a des dimensions. Mais votre rapport entre vous puis moi, c'est un rapport qui est purement en relation avec cette énergie-là.